بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le Souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du tentateur qui murmure et qui s'esquive, qui suggère le mal dans la poitrine des hommes, qu'il soit djinn ou être humain.